me dis je pars, je me barre. C'est partout j'en ai marre, elle me dit je pars, je me barre. Les bires, je peux plus les voir, elle me dit je pars, je me barre. Je vais faire des dollars, ouais, je me tire. T'inquiète, je pars avec plaisir. Hello die, bye bye, hello die. Hello die, elle se taille, elle s'enchaîne. Hello die, bye bye. Chauffeur est passé, je crois que ça s'est fait. Ouais, elle a chopé. Dimo trans, elle danse. Elle voit Dimo trans. Elle danse sur le quai de Sparto. Y'a comme une évidence. Elle me dit, je pars, je me barre. Sparto, j'en ai marre. Elle me dit, je pars, je me barre. Les bières, je peux plus les voir. Elle me dit, je pars, je me barre. Je vais faire des dollars, ouais, je me tire. T'inquiète, je pars avec plaisir. Hello, die, bye, bye, hello, die. Hello, die, elle se taille, elle s'enchaîne. Hello, die, bye, bye. Je me barre, c'est partout j'en ai marre. Elle me dit je pars, je me barre, je sors pas les mouchoirs. Hello die, bye bye, hello die. Hello die, elle se taille, elle s'enjaille. Hello die, hello die, bye bye, hello die. Hello die, bye bye, hello die. Hello die, elle se taille, elle s'enjaille. Hello die, bye bye, hello die. Allez soirées, allez bouge tes fesses. Vas-y soirées, vas-y bouge tes fesses. Allez soirées, allez bouge tes fesses. Vas-y Elodie, vas-y bouge ton body. Allez Elodie, bouge ton body. Vas-y Elodie, vas-y bouge ton body. Elodie, bye bye Elodie. Elodie, elle se taille, elle s'enjaille. Elodie.